إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on continue donc en ce troisième jour du mois de Ramadan 1440 la lecture d'une épître de l'éminent cheikh et du grand savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala intitulée Fusul fi siyam wa tarawih wa zakah, article au sujet du jeûne, de la prière de tarawih et la zakat. Nous avons vu dans l'assise d'hier le premier article traitant du jugement du jeûne. Nous allons voir aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, le second article de cette épître traitant des sagesses du jeûne et de ses bénéfices. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « On compte parmi les noms d'Allah, Al-Hakim, que l'on pourrait traduire par le sage. Al-Hakim est celui qui se caractérise par la sagesse, Al-Hikma, et la sagesse consiste à parfaire les choses et à mettre chaque chose à sa place. » Ceci est donc la définition de la sagesse. Il dit, rahimahullah, il est exigé de ce nom, Al-Hakim, qui est un des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que tout ce qu'Allah a créé et tout ce qu'Allah a légiféré renferme une profonde sagesse, connue par certains et ignorée par d'autres. Et ceci est une chose importante. Tout ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a créé, il l'a créé pour une sagesse. Et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, il l'a légiféré pour une sagesse. Cependant, cette sagesse, ce n'est pas une condition que tu en aies connaissance. Il se peut que certaines sagesses soient connues, et il se peut que certaines sagesses, elles te soient ignorées. Donc, ce qui est demandé au serviteur, c'est de se soumettre complètement aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il ait connaissance des sagesses pour lesquelles ces ordres ont été légiférés, ou qu'il ignore ses sagesses. Le croyant, il se soumet complètement à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit « J'ai écouté, j'ai obéi. » Mais il ne fait pas comme certaines personnes qui veulent à tout prix connaître les secrets et les sagesses de tous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui s'enquièrent d'abord des sagesses pour lesquelles les choses ont été légiférées avant de s'empresser à se soumettre aux ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui enjoint. Il dit « Rahimahullah » Le jeûne qu'Allah a légiféré et prescrit à ses serviteurs renferme d'immenses sagesses et de nombreux bénéfices. Et il va citer cinq de ces sagesses, incha'Allah ta'ala. Il dit, rahimahullah, on compte parmi les sagesses du jeûne que c'est une adoration par laquelle le serviteur se rapproche de son Seigneur en délaissant ce qu'il aime de façon instinctive, de façon innée, comme la nourriture, la boisson, et le mariage. On entend par le mariage ici les rapports intimes liés au mariage. Donc, parmi les sagesses du jeûne, il y a le fait que ce jeûne, c'est une adoration que tu voues à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Tu cherches à te rapprocher de lui comment? En délaissant les choses que tu aimes. En délaissant la nourriture, en délaissant la boisson, en délaissant le mariage. Il dit ensuite, rahimahullah, il délaisse cela pour obtenir l'agrément de son Seigneur. Et le succès par la demeure de sa générosité, c'est-à-dire par l'entrée au paradis, incha'Allah ta'ala. C'est ce que recherche le jeûneur en délaissant ces choses par lesquelles son âme est attirée comme la nourriture et la boisson. Il les délaisse pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour entrer, incha'Allah ta'ala, dans la demeure de sa générosité qui est le paradis. Il dit ensuite, rahimahullah, il devient ainsi évident qu'il, c'est-à-dire le serviteur, il devient ainsi évident que le serviteur préfère les choses aimées par son Seigneur aux choses aimées par sa propre personne. Et ceci, c'est une chose qui se manifeste clairement lors du jeûne. Le serviteur, il accomplit ce jeûne pour se rapprocher de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il délaisse donc les choses que sa personne aime. Il délaisse la nourriture. Il délaisse sa boisson. Pourquoi? Pour ce que son Seigneur aime, c'est-à-dire qu'il se soumette à ses ordres, subhanahu wa ta'ala. Il dit également, de même qu'il préfère la demeure dernière à celle d'ici-bas. En effet, le jeûneur, il ne délaisse ces choses qu'il aime qu'espérant la demeure de l'au-delà. Ainsi, il préfère la demeure dernière et la favorise à la demeure d'ici-bas, qui est une demeure éphémère. Il dit ensuite, rahimahullah, on compte aussi parmi les sagesses du jeûne qu'il est une cause de la piété, at-taqwa, si le jeûneur accomplit l'obligation de son jeûne, c'est-à-dire s'il accomplit son jeûne de la manière qu'il convient, de la manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ya ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqoon. » Oh vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Et on a vu des bénéfices liés à ce verset lors de l'assise précédente. Il dit ensuite, subhanahu wa ta'ala, « La'allakum tattaqoon. » Ainsi atteindrez-vous la piété. C'est-à-dire que la sagesse principale pour laquelle le jeûne a été légiféré est que le jeûneur atteigne la piété, atteigne at-taqwa. Le cheikh dit, rahimahullah, la piété, ou la crainte pieuse d'Allah, at-taqwa, elle est enjointe au jeûneur. Elle consiste à se soumettre à ses ordres et à s'écarter de ses interdits. La taqwa, c'est que tu te soumettes aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu t'écartes des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Talq ibn Habib rahimahullah ta'ala dans la définition bien connue de la taqwa, la crainte pieuse d'Allah, la piété. Il a dit rahimahullah, la taqwa, c'est que tu œuvres dans l'obéissance à Allah. Tu te soumets à ses ordres. C'est que tu œuvres dans l'obéissance à Allah d'une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire avec science. Car il ne t'est pas possible d'avoir connaissance des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est par l'apprentissage de la science, l'apprentissage de la science religieuse. Donc, c'est que tu œuvres dans l'obéissance à Allah, d'une lumière venant d'Allah, avec science et connaissance, en espérant la récompense d'Allah. C'est-à-dire que le serviteur qui craint Allah, qui fait preuve de piété vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il œuvre dans son obéissance avec science, tout en espérant à travers cela la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, et que tu délaisses la désobéissance à Allah d'une lumière venant d'Allah. C'est-à-dire que tu apprennes également ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. De la même manière que tu apprends ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné, tu apprends également ce qu'il t'a interdit afin de t'en écarter et de le délaisser. Donc, que tu délaisses la désobéissance à Allah d'une lumière venant d'Allah en craignant le châtiment d'Allah. Ceci est donc la définition de la taqwa, qui peut se résumer par le fait de se soumettre aux ordres d'Allah et de délaisser ses interdits. Le cheikh, il dit, rahimahullah, ceci est le plus noble objectif du jeûne. C'est que tu atteignes ce degré, le degré de la taqwa. Il dit, rahimahullah, l'objectif du jeûne n'est pas de châtier le jeûneur en le privant de nourriture, boisson et mariage. Ceci n'est pas l'objectif du jeûne. L'objectif du jeûne, ce n'est pas simplement de délaisser ces choses qui sont à la base permises pour le serviteur. Si tu délaisses ces choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis en d'autres temps, ce n'est pas pour te torturer, mais c'est pour un objectif qui est plus noble que cela, qui est d'atteindre la piété, d'atteindre le taqwa. Le cheikh il dit, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Celui qui ne délaisse pas les paroles fausses et les œuvres fausses, ainsi que l'ignorance, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. » Et ce hadith est rapporté par l'imam Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Le cheikh il dit, rahimahullah, les paroles fausses désignent toute parole interdite, comme le mensonge, la médisance, les injures et autres parmi les paroles interdites. Médite sur cela. Celui qui ne délaisse pas les paroles fausses, celui qui ne délaisse pas le mensonge, il jeûne, mais il passe sa journée à mentir, à répéter des propos mensongers, ou la médisance. Il est en état de jeûne, mais il passe sa journée à parler sur ses frères et ses sœurs en islam, à mentionner leurs défauts, à dire en leur absence des choses qui leur déplaisent, ou pire encore, à calomnier à leur encontre. Il dit, rahimahullah, ou les injures, et autres parmi les paroles interdites. Celui qui ne délaisse pas cela, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Car ce n'est pas cela l'objectif du jeûne. L'objectif du jeûne, c'est que tu atteignes la piété. Et la piété, tu ne peux l'atteindre qu'en délaissant le faux. et parmi ceux-là les paroles fausses. Il dit ensuite, rahimahullah, les œuvres fausses désignent la mise en pratique de tout acte interdit, comme la transgression à l'égard des gens, en les trahissant, en les trompant, en leur portant atteinte physiquement, par des coups ou autres, en s'appropriant leurs biens, par le vol ou autre, et autres choses semblables. Donc il fait partie des choses exigées par le jeûne que tu délaisses toute transgression à l'égard des gens, que tu ne trahisses personne, que tu ne trompes personne, que tu ne portes atteinte physiquement à personne, et que tu ne voles personne. Il dit, rahimahullah, il fait aussi partie des œuvres fausses d'écouter ce dont l'écoute est interdite, comme les chants interdits et les instruments de musique. Combien sont ceux parmi les musulmans aujourd'hui qui sont éprouvés par ces choses-là? L'écoute de la musique. Il va passer ses journées de jeûne à écouter des chants interdits, des chansons sur Internet, sur YouTube et autres, encourant ainsi la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Penses-tu qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ait demandé de délaisser ta nourriture et ta boisson qui te sont permises tout au long de l'année pour que tu passes ta journée à lui désobéir en écoutant et en regardant sur Internet des choses qui déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit pendant le Ramadan ou en dehors de Ramadan? Ceci s'oppose à la sagesse même de la législation du jeûne. Celui qui passe ses journées de jeûne ou ses nuits de Ramadan dans les péchés qu'Allah déteste et réprouve, il n'a pas atteint l'objectif le plus noble du jeûne, qui est d'atteindre la piété. Il a donc dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, « Celui qui ne délaisse pas les paroles fausses et les œuvres fausses, ainsi que l'ignorance. » Le cheikh, il dit, rahimahullah, « L'ignorance désigne la sottise qui s'oppose à la droiture dans les paroles et les actes. » C'est-à-dire toutes les choses futiles, les paroles frivoles, les paroles viles, les paroles qui n'ont aucun intérêt, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Et comme elles sont nombreuses aujourd'hui. Combien sont ceux qui passent leur journée dans des futilités, des choses qui ne leur sont d'aucun profit, pas même pour leur vie d'ici-bas. Et ils passent leur journée de jeûne ainsi. Il n'y a pas de doute que ces choses, elles s'opposent à la droiture et elles s'opposent à la piété. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Celui qui ne délaisse pas les paroles fausses et les œuvres fausses, ainsi que l'ignorance, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. » Car le délaissement de la nourriture et la boisson, ce n'est pas la finalité de ton jeûne. Ce n'est qu'un moyen qui te permet d'atteindre la piété, d'atteindre la crainte pieuse que tu voues à Allah subhanahu wa ta'ala. Le délaissement de la nourriture et la boisson n'est pas la finalité de ton jeûne. La finalité de ton jeûne, c'est que tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala en te soumettant à ses ordres et en délaissant ses interdits. Le cheikh il dit, rahimahullah, si le jeûneur agit en concordance avec ce qu'exige ce verset ainsi que ce hadith, le jeûne lui permettra alors d'éduquer son âme, de corriger son comportement et de rectifier sa ligne de conduite. Le mois de Ramadan ne touchera pas à sa fin sans que le jeûneur n'en ait tiré un profit immense, et ceci se manifestera sur sa personne, son comportement et sa ligne de conduite. Allahu Akbar. Celui qui jeûne le mois de Ramadan de la manière qu'Allah aime et agrée, il sortira de ce mois en étant meilleur qu'au moment où il l'a commencé. Et ceci va se manifester sur sa personne, dans ses comportements, dans sa ligne de conduite, dans sa manière d'agir. Il aura un comportement meilleur en fin de mois qu'il ne l'avait en début de mois, car il s'est corrigé, il s'est réformé durant ce mois. Et ceci est ce qu'attend Allah subhanahu wa ta'ala de ses serviteurs à travers ce jeûne. Et ceci est une des sagesses immenses de la législation du jeûne. Il dit ensuite, rahimahullah, on compte aussi parmi les sagesses du jeûne que le riche reconnaisse la valeur du bienfait d'Allah sur lui par la richesse. En effet, Allah lui a facilité l'obtention de ce qu'il désire comme nourriture, boisson et mariage parmi ce qu'Allah lui a permis religieusement. Il est alors reconnaissant envers son Seigneur pour ce bienfait et il se rappelle de son frère nécessiteux pour qui l'obtention de cela n'a pas été facilité. Il fait alors preuve de générosité envers lui par l'aumône et la bienfaisance. Et ceci est également, mes frères, une sagesse de la législation du jeûne. Le riche, il se peut que tout au long de l'année, il ne se rende pas compte des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés. Il mange et boit chaque jour tout ce qu'il désire, car Allah subhanahu wa ta'ala l'a favorisé en termes de subsistance. Il se peut qu'il ne se rende même pas compte de cela. Il se peut qu'il ne soit pas conscient de ce bienfait par lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a favorisé sur bien nombre de ses créatures. Donc lorsqu'il jeûne, qu'il ressent la douleur de la faim, la douleur de la soif, il se rend compte de ses bienfaits. Et ceci va l'aider à quoi? À être reconnaissant vers son Seigneur. Et la reconnaissance, elle est indispensable. Il est obligatoire pour le serviteur d'être reconnaissant à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il est reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala lui augmentera de ses bienfaits. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, La in shakartum, la aziidannakum. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus de mes bienfaits. Et cette reconnaissance, elle va le pousser également à se rappeler qu'il a des frères et des sœurs qui sont nécessiteux, qui sont dans le besoin et qui ne possèdent pas ces bienfaits par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala l'a favorisé. Ceci va donc le pousser à avoir de la compassion envers eux, à faire preuve de générosité envers ses frères et sœurs nécessiteux, en leur donnant l'aumône et en étant bienfaisant envers eux, que ce soit durant le mois de Ramadan ou après le mois de Ramadan. Il dit, rahimahullah, on compte aussi parmi les sagesses du jeûne que c'est un entraînement pour contrôler ton âme et prendre le dessus sur elle, et ce afin de la conduire vers son bien et son bonheur, ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Le jeûneur s'écarte ainsi du fait d'être comme un animal qui n'est pas capable d'interdire à sa personne ses passions et ses désirs. Ceci est également une des sagesses du jeûne. Tu t'entraînes à contrôler ton âme. En effet, tu contrôles ton âme en la privant de nourriture et de boisson tout au long de la journée. Ainsi, tu prends le dessus sur elle. De la même manière, tu vas prendre le dessus sur ton âme pour délaisser tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit, et ce tout au long de l'année. Ainsi, tu vas conduire ton âme vers son bien et son bonheur, que ce soit dans ta vie d'ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Ainsi, le jeûneur, il s'entraîne à cela, afin de ne pas mener une vie semblable à celle d'un animal, qui n'est pas capable de s'interdire ce qu'il désire. L'être humain, il a été favorisé en comparaison à l'animal et aux bestiaux. Tu dois donc contrôler ta personne, contrôler ton âme, ne pas succomber à toutes tes passions et tous tes désirs. Mais tout ce que tu désires, tu dois regarder si cela est permis par Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce désir est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé de toi et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis, alors il t'est permis d'assouvir ce désir. Mais si ce désir est un désir interdit, une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a proscrite, une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas de toi, alors tu ne dois pas y succomber. Tu ne dois pas assouvir ce désir, mais tu dois prendre le dessus sur ton âme afin de le délaisser et de t'en écarter. Et lorsque tu jeûnes, tu t'entraînes à cela. Et inshallah ta'ala, après le jeûne, tu pourras faire cela avec l'ensemble des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, il dit, rahimahullah, on compte enfin parmi les sagesses du jeûne ce que l'on obtient comme bénéfice en termes de santé découlant de la diminution de la nourriture et du repos de l'appareil digestif durant un certain temps, permettant ainsi d'éliminer certaines choses qui sont nuisibles pour le corps. Ceci fait également partie des bénéfices et des sagesses du jeûne. Il en découle un grand bien pour la santé de la personne. En effet, il se peut que la personne s'oublie durant l'année en faisant des excès en termes de nourriture et de boisson. Ainsi, durant le jeûne, elle diminue sa nourriture et met au repos son appareil digestif. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, le plus mauvais récipient que l'enfant d'Adam a rempli est son ventre. Il lui suffit de quelques bouchées pour tenir son dos. Mais s'il ne peut pas, alors un tiers pour sa nourriture, un tiers pour sa boisson et un tiers pour sa respiration. Ceci était donc quelques sagesses parmi les sagesses de la législation du jeûne mentionnées par le cheikh rahimahullah ta'ala dans cet épître. On verra dans l'assise de demain, inshallah, le jugement du jeûne, du malade et du voyageur, ainsi que quelques règles liées à cela. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.